amis toujours. Mettez sur les nerfs, il devenait tout rouge. Regardez de travers. Pour tout le monde, cette enfance pelette grosse colère. Petit homme pas content. Petit homme, les gros yeux. Un enfant bien méchant. Un tout petit peu capricieux. Des chats quand son grand frère lui empruntait ses jouets. D'un regard terrifiant, il le dévisageait. Tout le monde disait attention, grosse colère. À en croire son cas, il pourrait tuer son frère. Sa maman aussi, il lui a fait sa fête, lui jetant au visage une bien belle assiette. À 8 ans au dîner, un soir d'haricots verts. Ce soir-là, grosse colère aurait bien tué sa mère. Petit homme pas content, petit homme les gros yeux. Un enfant bien méchant, un tout petit peu capricieux. Dire que grosse colère n'avait pas la vie rose. Quand son père dans sa chambre lui faisait prendre la pause, il se prêtait sans rien dire au délire du pervers. La grosse colère rêvait de tuer son père. Jour de ses 10 ans, dans sa chambre d'enfant, à grands coups de cutter dans ses poignets tremblants. Ce jour-là, grosse colère, en guise d'anniversaire, a voulu en finir et a quitté l'enfer. Petit homme pas content, petit homme les gros yeux. Un enfant bien méchant, un tout petit peu malheureux.